إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, بإذن الله تعالى, on continue l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du grand savant Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, حفظه الله تعالى ورعاه. On s'arrêtait au cours dernier à Sourate Al-Ghashiyah. Et on n'avait pas terminé l'explication que nous a donné le Cheikh à travers les différents versets qu'il a expliqués et qui est le deuxième verset jusqu'au verset numéro 11. On s'arrêtait au verset numéro 4. Tasla naran hamia, à ce verset numéro 4. Donc on va réécrire les versets à partir du verset numéro 4. فيقول الشيخ سورة الغاشية قوله تعالى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que les plantes épineuses, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Le shir, lorsqu'il explique le verset 4, il nous dit وَقَوْلُهُ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. Ils brûleront dans un feu ardent. Il va nous expliquer le Coran par le Coran. C'est-à-dire, il va nous expliquer ce verset du Coran par d'autres versets du Coran. Et parmi les versets qu'il va choisir, le verset suivant ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ وَقَوْلُهُ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمِ وقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وقوله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والمعنى أنه يعذب بالنار المتناهية في الحرارة. C'est-à-dire que tous les versets qui nous a cités, comme le premier, ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. وكذلك تصلية جحيم qui vient également dans la même signification. Donc on voit ici تصلية et qui est ici المصدر. Également قوله ويتجنبها الأشقى et s'en écartera le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu. الذي يصلى النار الكبرى. Et donc il nous dit que ces significations, à travers tous ces versets qu'il a donné le shir, je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Tous ces versets, il nous dit le shir, qu'ils ont pour signification donc qu'il sera châtié par le feu, qui est de la plus grande intensité, d'une intensité la plus extrême, d'une intensité la plus forte, Wallah al-Musta'an. Ensuite, dans la suite du verset, tusqa min aynin aniya. Tusqa min aynin aniya. C'est-à-dire, ils seront abreuvés d'une source bouillante. Donc il dit, shir fi shiddatil harara wal ghilyan. C'est-à-dire, une eau qui est en ébullition. Et qui est d'une très très grande chaleur. Très très chaude. Extrêmement chaude. Ça c'est pour sharab. Sharab ahlin nar. Ça c'est en fait la boisson des gens du feu. Ensuite, il a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala leur nourriture. ثم ذكر طعامهم. Et c'est dans le verset suivant, ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Il va nous donner les différentes explications. ليس لهم طعام إلا من ضريع, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de nourriture si ce n'est que cette nourriture, cette soi-disant nourriture qu'on appelle ضريع, ضريع بالضد والعين à la fin, من ضريع. Qu'est-ce que veut dire ce terme-là? Il va nous expliquer ou nous rapporter la parole de Ibn Kathir, rahmatullah alayh, dans l'explication de ce terme. Qu'est-ce que veut dire ce terme? Sachant que plusieurs savants parmi les mufassirines, que ce soit les sahaba ou ceux qui les ont suivis, at-tabi'in, ils ont divergé. Certains ont dit comme Ali ibn Abi Talha ou ibn Abbas, ou plutôt Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas, donc c'est la parole d'Ibn Abbas qui est rapportée par Ali ibn Abi Talha, shajara min an-nar, c'est-à-dire un arbre de feu, al-dari' un arbre de feu. Wa qala Sa'id ibn Jubayr wa zaqqum, az-zaqqum, donc l'arbre qui est cité dans d'autres versets du Coran, az-zaqqum. Et également il dit dans un autre tafsir, Sa'id al-hijara, al-hijara, qui est la pierre. Ça c'est leur nourriture. Également il va rapporter une parole ou une autre interprétation du Ibn Abbas qui est également rapportée par Mujahid ou Qatada et d'autres encore. Il nous dit wa ash-shibriq, ash-shibriq. Wa ash-shibriq, c'est en fait ce qu'on appelle la bugrane, et c'est une plante épineuse à fleurs roses ou jaunes. C'est une plante épineuse à fleurs roses ou jaunes, ce qu'on appelle bugrane, et qu'on dit en arabe ash-shibriq. Il nous rappelle donc cette parole qui est celle d'Ibn Abbas et de Mujahid, ou Akrima et d'autres encore. Et en fait, cette plante-là, Quraysh, elle l'appelait Firrabi', c'est-à-dire durant le printemps, elle l'appelait Shibriq. Et durant l'été, elle l'appelait Abbari'. Pourquoi? Parce que bien sûr, durant l'été, elle était sèche. C'est une plante qui était sèche, très sèche. Et lorsqu'elle était sèche, comme va nous la rapporter également l'imam al-Bukhari, il va nous rapporter une parole de Mujahid. Il disait que les gens du Hijaz l'appelaient lorsqu'elle était sèche, et donc bien sûr elle est sèche quand c'est l'été, ils l'appelaient Abdari'a, et durant, lorsqu'elle n'était pas sèche, et ça bien sûr le printemps, ils l'appelaient Ashibriq. Donc c'est cette plante-là qui est désignée suivant l'avis de ces savants. Et d'autres savants encore ont dit, comme Ikrima, dans une autre version, il dit وَشَجَرَةٌ ذَاتُ شَوْكٍ لَا طِئَةٍ بِالْأَرْضِ, c'est-à-dire un arbre qui possède des épines et dont ces épines sont au niveau de la terre, c'est-à-dire très très basses, qui effleurent la terre. Wallah al-musta'an. Ça c'est la nourriture des gens du feu. Et pour ce qui est de leur boisson, comme on a vu, une eau bouillante et en ébullition. Et après Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rappelé les gens du feu, il va rappeler les gens du paradis. Après avoir rappelé les gens du feu, il rappelle les gens du paradis. Wa ba'da dhakara ta'ala ahl al-'adhab dhakara ahl an-na'im. Il dit le shirk, après qu'Allah azza wa jalla a rappelé les gens du feu, les gens du châtiment, il va nous rappeler les gens du paradis, les gens du délice par cette parole. Wujuhun yawma idhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Il nous dit al-ma'na anna ahl as-sa'adati mun'imun fil jannati bi fadlillah wa mun'amun fil jannati bi fadlillah 'azza wa jalla bi sababi a'malihim as-salihah kama qala 'azza wa jalla fi man yu'ta kitabahu bi yaminihi fa huwa fi 'ayshatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah كُلُوا وَشَرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Ça c'est fait surat al-Haqqah, le verset 21 et 24. Le shir nous rappelle donc dans les versets qui ont été cités et dont le sens est le suivant. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. ou ils n'entendent aucune futilité. Le shir nous dit que les gens du bonheur, al-sa'ada, ils sont comblés de bienfaits. Par qui? Par Allah Azzawajal, par la grâce d'Allah Azzawajal dans le paradis. Bisababi a'malihim as-saliha. Ici le shir, et on revient sur cette parole, il dit bifadlillah bisababi a'malihim as-saliha. Et comme on va comprendre ici, il y a l'utilisation de deux bas. Et on va voir que ces deux bas, lorsqu'on dit bifadlillah et lorsqu'on dit bisabab, on va voir que tous les deux ils ont une signification qui est importante et qui revient à notre croyance. Et c'est donc un emploi ici qui est très précis. C'est pour ça qu'on met l'accent dessus. Lorsqu'il dit le shir, fil jannati bifadlillah azza wa jal bisababi a'malihim as-saliha. Est-ce que l'homme il est rentré de par la grâce d'Allah Azza wa Jal dans le paradis, ou est-ce qu'il est rentré de par ses actes? Si on regarde le verset qui nous a cité le shir et qui est le fi surat al-haqqa, si on reprend depuis le début, fahuwa fi 'ayshatin radiya, c'est-à-dire il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez, buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal à la fin il dit kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Mangez, buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal nous dit que la personne rentrera ici de par ses actes. Et on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, hadith Abi Huraira, un hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal ma min ahadin yudkhilu amaluhu al-jannata faqil wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani rabbi bi rahmatin wala ana illa an yataghammadani rabbi bi rahmatin. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura personne d'entre vous qui rentrera dans le paradis de par ses actes. De par ses actes. Et on lui a dit, et toi non plus, ô prophète, ô envoyé d'Allah, et toi non plus, ô envoyé d'Allah. Il dit, wala ana, et même moi. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrera pas dans le paradis de par ses actes. Al-shahid, wala ana, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala ana. Et ensuite il dit illa an yataghammadani rabbi bi rahmatin, sauf si Allah Azza wa Jal me couvre, m'enveloppe, sauf si mon Seigneur me couvre, m'enveloppe de sa miséricorde. Donc comment on va comprendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment on va comprendre le verset qui est clair où Allah Azza wa Jal yakul kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Et le shir ici nous a dit أهل السعادة منعمون في الجنة بفضل الله بسبب أعمالهم الصالحة. La compréhension elle est simple, elle est claire. Ici, le premier bas, c'est-à-dire le shir lorsqu'il dit بفضل الله عز وجل. Ici, بفضل الله عز وجل, c'est-à-dire que la personne va rentrer dans le paradis de par la grâce d'Allah عز وجل. De par la grâce d'Allah عز وجل, de par la miséricorde d'Allah عز وجل. De par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième bas ici, bisababi a'malihim as-saliha. Le bas ici, c'est le bas as-sababiyya, ce qu'on appelle le bas as-sababiyya. Tayyib. Donc comment on va comprendre le verset, si on revient au verset maintenant? Kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Si on voit ici qu'il y a le bas dans le verset, bima aslaftum, et on voit que c'est en relation avec les actes, bima aslaftum, c'est-à-dire aslaftum min al-a'mal salihah, ce que vous avez fait auparavant de bonnes actions, parmi les bonnes actions. Ici elle ba sababiyya, c'est-à-dire que c'est donc à cause de nos actes pieux, à cause de nos actes pieux, c'est-à-dire la cause c'est nos actes pieux. Al ba sababiyya bi sababi a'malihim as-salihah. C'est pour ça que le shir dit bisabab. Donc on voit que c'est clair au niveau de la signification. Et par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit ma min ahadin yudkhilu amalu bil janna, c'est-à-dire ma min ahadin yadkhul al janna bi amalihi bi'amalihi. C'est comme ça qu'on comprend la parole du prophète. Ma min ahadin yadkhul al-jannata bi'amalihi. C'est la signification de cette parole. Ma min ahadin yadkhulu 'amalu al-jannata. Au niveau de la compréhension de cette parole, si on revient au bas, lorsqu'on dit bi'amalihi, ici ça va être ba al-mu'awada wal-muqabala. Et là, voilà le bal al-sababiyya. C'est-à-dire que dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de par nos actions. Et lorsqu'on dit donc al-ba al-mu'awada ou al-muqabala, c'est-à-dire la compensation. Ce qu'on traduit par la compensation. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas nous faire entrer dans le paradis par compensation de nos bonnes actions. Mais à cause de nos bonnes actions. C'est-à-dire que ça va être une cause tout simplement. Mais ce qui va nous faire entrer dans le paradis, c'est sa miséricorde. C'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. C'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est dans le cas du prophète. Et bien entendu, ça va être dans le cas de tout le monde. Que ce soit le prophète ou autre. Donc on rentre dans le paradis de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et on ne rentre pas dans le paradis par compensation qu'on nous fait de nos actions. Mais l'acte vertueux va être un sabab. Il va être un sabab, tout simplement. Comme la personne qui va chercher son risque, qui cherche subsistance. Il cherche, il fait les sababs, mais qui c'est qui va lui donner subsistance? C'est Allah Azza wa Jal. Donc on voit encore ici la relation au sabab. Donc l'a'mal saliha, c'est un sabab. C'est tout simplement une cause. Mais si on en était resté à nos actes vertueux qu'on a fait dans cette vie d'ici-bas, alors personne n'aurait pu rentrer au paradis. Ce qui vient ici nous faire rentrer dans le paradis, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna du consensus. D'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'on va profiter par rapport à cela? Qu'est-ce que le croyant, il profite dans sa vie de tous les jours de savoir cela? Il profite qu'il sait qu'il ne peut s'en remettre uniquement à la grâce d'Allah Azza wa Jalla sans faire rien du tout. C'est-à-dire la personne, elle se dit, on rentre dans le paradis de par la grâce d'Allah, de par la miséricorde. Donc c'est pas la peine que j'œuvre quoi que ce soit dans cette vie d'ici-bas. Taïb. Et d'un autre côté, la personne ne se fasse pas avoir en apparence de par les actes qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, c'est mes actes qui vont me faire entrer au paradis. Et je n'ai pas besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc on voit que dans les deux côtés, la personne est dans le faux. Elle fait de bonnes actions. Elle sait que cela va être une cause. Simplement une cause. Mais à la fin, elle sait que ce qui va le faire rentrer dans le paradis, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'efforcer. Non seulement de faire des bonnes actions et de toujours revenir à Allah Azza wa Jalla dans ses doigts. Dans ses invocations. Donc elle ne délaisse pas les invocations d'Allah Azza wa Jalla et s'en remet tout simplement à ses actions qu'elle a faites. Et d'un autre côté, elle ne s'en remet pas uniquement à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla sans œuvrer, sans dire je n'ai pas à œuvrer ou faire de bonnes actions, me suffira simplement la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a fait un sabab, et ce sabab c'est dans les actes vertueux. Donc c'est ce qu'on profite dans la vie de tous les jours de comprendre cette question qui est importante, qui est traduite par le Shir lorsqu'il dit في الجنة بفضل الله عز وجل بسبب أعمالهم الصالحة. Et comment on va comprendre ce verset du Coran? كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ensuite dans le verset وجوه يومئذ يومئذ, c'est-à-dire ce jour-là, et c'est le jour comme nous le rappelle Ibn Kathir dans la parole que nous cite le Cheikh, يوم القيامة, ce jour-là bien sûr, يومئذ. C'est Yawm al-Qiyamah. Le terme na'ima, comme a fait قول الله عز وجل, وجوه يومئذ ناعمة, na'ima, يعرف الناعم فيها. C'est-à-dire qu'on va reconnaître le délice, l'apparence du délice sur le visage de ces gens-là. لسعيها راضية. Contents de leur effort, c'est-à-dire qu'ils seront contents de l'effort qu'ils ont fait. Ils seront contents de l'effort qu'ils ont fait. Fi jannatin aliya, c'est-à-dire rafi'a, haute, de haut jardin, en hauteur dans le paradis. La tasma'u fiha lariya, et bien sûr le terme lariya, comme c'est traduit, ce sont les paroles futiles. Les paroles futiles. Kalimatullahu. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans d'autres versets, la yasma'una fiha larwan illa salama. Et dans d'autres versets, il dit également Allah subhanahu wa ta'ala, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Donc tous ces versets nous rappellent qu'on n'entendra pas de futilité. Personne n'entendra de futilité dans le paradis. كلمات كلمة اللغو لا ريا لغوان نعم. Et ils n'entendront ni futilité ni blasphème. نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Sauf si on leur dit, sauf qu'on leur dira paix, paix, salam, c'est-à-dire paix sur eux. Ensuite, le shérif nous dit, et ici il nous donne une faïda, c'est-à-dire une parole qui va nous être bénéfique par rapport à la connaissance de la langue arabe, et une langue arabe qui est riche, très riche, de par sa grammaire, de par son vocabulaire. Et ici on voit qu'Allah Azza wa Jal, il a supprimé le waw, waw al-atf, c'est-à-dire le waw qui où nous indique la coordination. Pourquoi? Parce que dans le verset, on a wujuhun yawma idhin na'ima. Wa asl al-kalam, c'est-à-dire la parole à l'origine, avant qu'il y ait la suppression du waw, c'est wa wujuhun yawma idhin na'ima. Pourquoi? Parce qu'au départ, Allah Azza wa Jalla nous a parlé dans le début du verset wujuhun yawma idhin khashi'a. Il nous a parlé des visages des gens de l'enfer. Et ensuite, il nous a parlé des visages des gens du paradis. Et donc lorsqu'il va parler des gens du paradis, automatiquement ce qui est compris c'est ou ce qui va faire suite à la parole, ce qui va permettre donc de continuer, ça va être la coordination qui va être faite et qui se traduit par le waou. Le waou qui ce qu'on appelle waou al-atf. Waou al-atf qui est la coordination. Et donc on voit bien dans ce verset wujuhun yawma idhin na'ima, il n'y a pas le waou. Il n'y a pas le waou. Il serait été normalement وَهُجُوهُ يَوْمَ إِذِ النَّاعِمَةِ. Et il nous dit donc cela est une preuve. Ce verset du Coran, c'est une preuve qui nous est permis d'enlever, de supprimer وَهُ الْعَاطِفَ أو وَهُ الْعَاطِفَ, qui nous est permis de supprimer le waw de la coordination. Cette particule de coordination, il est permis de la supprimer et il est permis de la laisser telle qu'elle est à l'origine de la parole. Ça c'est une preuve. Ensuite il nous dit que dans ces trois passage, les trois sourates qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire avec celle-là, que ce soit fi sourate al-qiyama, fi sourate abasa ou fi sourate al-ghashiya, il nous dit le shir qu'il y a eu une comparaison faite entre eux, les visages des gens du paradis et les visages des gens de l'enfer. Et nam, on l'a vu dans sourate al-qiyama de même, dans sourate abasa de même, et ici de fi sourate al-ghashiya. Allah Azza wa Jalla a insisté. Il nous a montré la différence qu'il y aura le jour du jugement entre les visages des mécréants et entre le visage des croyants. Et il nous rappelle un autre verset qui fait surat Ali Imran et qui va dans le même sens. Où Allah Azza wa Jalla encore une fois dans ce verset insiste et nous montre, subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, comment vont être les visages. Comment vont être les visages de ceux qui ont cru en Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont œuvré de la meilleure des façons. Et comment vont être les visages de ceux qui ont mécru, ceux qui ont désobéi et ceux qui sont entêtés dans Abdalal, qui sont entêtés dans l'égarement. Comment va être leur visage ce jour-là? Wallah al-Musta'an. Puis surat Ali Imran, qui est le verset 106 et 107, Wallah Azza wa Jalla yaqul Yawma tabiyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ هُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Donc Allah Azza wa Jalla, les trois versets qu'on a vus, qu'on a étudiés, ou parfois les trois sourates, ou les passages choisis des trois sourates qu'on a étudiés auparavant, on voit également dans les sourates Ali Imran qu'Allah Azza wa Jalla a fait une comparaison entre ces deux sortes de visages. Ensuite, le shir va passer à la prochaine sourate, et qui est sourate al-Duha. Il a choisi le shir, sourate al-Duha. Il va prendre comme passage, ou les versets suivants, 6 à 8. Yaqul le shir, قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Ça, c'est la parole d'Allah Azzawajal qu'il dit à son envoyé, au meilleur des hommes. Salawatullah wa salamun alayhi. C'est pour ça que le shir, il dit, il nous rappelle donc ces trois caractéristiques que Allah Azzawajal a citées de son prophète. Il va insister sur un terme, sur le deuxième terme qui était cité dans le verset 7 et qui est Ba'alan. Il va insister, et on voit ici qu'ils l'ont traduit par égaré. Et est-ce que c'est réellement la bonne traduction égaré? On va voir et on va détailler qu'est-ce que veut dire ce terme Ba'alan. Le terme Ba'alan, comme il est cité dans ce verset du Coran, à travers la parole des savants. Il nous dit, le shir, كان يتيما فأواه, c'est-à-dire donc qu'il était orphelin et Allah Azza wa Jal l'a accueilli, lui a trouvé refuge. وَبَالًا فَهَدَاهُ, on va revenir sur ce terme, وَبَالًا. وَفَقِيرًا فَأَغْنَاهُ, donc le terme ici, عَائِلًا بِمَعْنَا فَقِيرًا, c'est-à-dire pauvre, et Allah Azza wa Jal l'a enrichi. Et il nous dit, le shir, وَقَدْ صَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ نَبِيَّهُ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min dalalatil jahiliyyah fa kana ala al fitrati allati fatara Allahu an-nasa alayha lam yanharif anha wa kana yata'abbadu qabla an yuha ilayhi. Le shir donc il nous dit, ça c'est important, que Allah azza wa jal a préservé son envoyé même avant qu'il le désigne comme le prophète, qui lui remette la mission de la prophétie. Allah azza wa jal l'a préservé. De quoi? Min dalalatil jahiliya. Min dalalatil jahiliya. Il l'a préservé des égarements de la jahiliya, de l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à la fitra, comme nous dit le shir. Il est resté dans cette fitra. Le terme fitra qu'on a déjà expliqué maintes et maintes fois, et qui veut dire la nature première humaine, qui est la nature prédisposée, comme la personne naît, et on sait que tout enfant naît suivant la fitra, c'est-à-dire naît musulman, c'est-à-dire qu'il naît en reconnaissant son Seigneur et en reconnaissant l'adoration qui doit être vouée uniquement à son Seigneur. Ça, c'est le fitra. Et tous les hommes sont nés comme cela. Tous les hommes sont nés comme cela. Et le prophète, salawatullah wa salamun alayhi, il est resté sur cette fitra, sachant que d'autres vont dévier et que les shayatines, que les diables vont leur inspirer et vont les faire dévier de la voie droite. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été sous la garde d'Allah azza wa jal. Même avant qu'il soit un prophète, même avant qu'il soit un envoyé et qu'il connaisse en détail, on va revenir sur ce qu'on va dire les savants par rapport à ce terme Ba'alan, qui a été traduit ici par égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dévié. Il n'a jamais adoré un autre qu'Allah azza wa jal, même avant sa prophétie. Bien au contraire, il adorait Allah azza wa jal, comme nous le dit le shir. Wa kana yata'abbadu qabla an yuha ilayhi, avant que révélation lui soit faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah azza wa jal, yata'abbad, c'est-à-dire il fait acte d'adoration. Ensuite, il va nous rappeler par rapport à ces actes d'adoration qui étaient faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en sont-ils? Et il va nous rappeler une parole de Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah fi kitabi al-Fath, Fath al-Bari. Il va nous rapporter trois avis des savants, il va donc en choisir. Il va choisir un avis qui paraît pour lui le plus fort, et c'est ce que va nous rappeler le shir. Et cet avis-là, comme nous le dit le shir, وَلَا يَخْفَى قُوَّةَ الثَّالِثِ وَلَا سِيَّمَا مَعَ مَا نُقِلَ مِنْ مُلَازَمَةِ لِلْحَجِّ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا بَقِيَ عَنْهُ. Naam. Donc tout simplement, al-maqsoud biyata'abbad, c'est-à-dire qu'il faisait les actes d'adoration qui sont restés depuis la religion d'Ibrahim. Depuis la religion d'Ibrahim alayhi salam, Al-Khalil alayhi salatu wa salam. Donc on sait que chez les Arabes, il est resté de ces adorations que le prophète Ibrahim a enseigné à sa communauté et enseigné à ceux qui sont venus après. Il en est resté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait donc ces actes d'adoration qui étaient propres à la religion d'Ibrahim. Et bien sûr, cette religion pure, loin du shirk, al-hanifiyya. Ensuite, il va nous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith marfou', hadith Iyad radiyallahu ta'ala anhu, et c'est un hadith qui est fi sahih muslim. Wa fihi, c'est-à-dire qu'il va prendre une partie de ce hadith. Inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Ce verset où le prophète sallam nous dit qu'Allah azza wa jalla a regardé les gens de la terre, il les a détestés, famaqatahum karyahum, c'est-à-dire qu'il les a détestés, que ce soit les arabes arabahum wa ajamahum, que ce soit les arabes ou que ce soit les non-arabes, il les a tous détestés. Illa baqaya min ahli al-kitab, ici exception, illa baqaya min ahli al-kitab, sauf certains des gens du livre, sauf certains ou un reste des gens du livre, un reste du genre du livre. Comment on comprend ce hadith? C'est ce que va nous expliquer l'imam al-Nawawi dans son Sharh Sahih Muslim, l'explication qu'il nous donne de Sahih Muslim, son livre al-Minhaj. Il dit al-muradu bihada al-maqt wal-nazar ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. Donc l'imam al-Nawawi nous dit que dans ce hadith authentique, al-maqsoud, ce qui est voulu par al-nazar et par al-maqt, c'est-à-dire par l'aversion et par ce qu'Allah azza wa jalla, lorsqu'Allah azza wa jalla l'a regardé, c'était avant, bien entendu, بعثة رسول الله, c'était avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit et qu'il ne devienne prophète et qu'il commence à répandre la religion du tawhid. Et al-murad bi baqaya ahli al-kitab, c'est-à-dire dans ce hadith, le reste des gens du livre, qui sont-ils? Ce sont ceux qui sont restés sur la religion, qui sont restés accrochés à la religion, à la vraie religion, la religion de la vérité, sans qu'il n'ait changé quoi que ce soit. Et il en est resté parmi les gens du livre. C'est en fait ce que nous explique l'imam al-Nawawi. Ensuite, on va revenir, et là, le shir, il va détailler, il va nous rapporter la parole de Ibn Kathir, il va nous rapporter également la parole de Al-Qurtubi, il va nous rappeler également la parole de Muhammad Al-Amin al-Shanqiti par rapport à ce terme, wa wajadaka dallan fahada. Ce terme Ba'alan, et qu'ils l'ont traduit ici dans le Coran qu'on a, dans la traduction, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Qu'est-ce que veut dire ce terme Ba'alan, égaré? En nous rappelant la parole de Ibn Kathir, Ibn Kathir va expliquer ce verset par un autre verset du Coran. Donc l'explication du Coran par le Coran, pour nous faire comprendre. Et il nous dit, Ibn Kathir, wa wajadaka Ba'alan fahada, c'est-à-dire ce verset-là, c'est le même verset qui est le suivant, qaqawlihi wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Il nous explique Ibn Kathir ce verset par un autre verset du Coran, et qui fit surat Ash-Shura, qui est le verset 52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman. Donc tu ne savais pas ce qu'était le livre et tu ne savais pas ce qu'était al-iman, la foi. Donc ici, on va comprendre le verset wa wajadaka dallan fahada dans le même sens. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas connaissance du livre d'Allah azza wa jalla, le Coran, et qu'il n'a donc pas connaissance, dans ce sens, il n'a pas de connaissance des règles qui vont lui être dictées dans le Coran, qu'Allah azza wa jalla va lui ordonner et va lui apprendre. Il ne va pas également connaître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mission, tous les détails de la foi. On sait que la foi il y a une foi qui est mujmal, c'est-à-dire une foi qui est globale, et une foi qui est mufassal, une foi qui est détaillée, c'est-à-dire connaître les bases, toutes les bases de la foi, connaître les détails de la foi, savoir tout ce qui va se passer yawm al-qiyamah. Tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a su qu'avec la révélation et ne pouvait le savoir donc avant la révélation. C'est dans ce sens le verset wa wajadaka dallan fahada, c'est-à-dire qu'il t'a trouvé sans connaissance de cela et il t'a guidé sur la voie de cette connaissance. Il t'a guidé sur la voie de cette connaissance. C'est dans ce sens le terme dallan. Et on va voir également que Cheikh Mohammed Al-Amin, rahmatullah alayhi, il va nous expliquer les trois significations que comprennent le terme Baal. Ils ont trois significations dans la langue arabe. Et il va nous démontrer quelle est la signification voulue par ce terme Baal. Ensuite, il nous rappelle la parole de l'imam Al-Qurtubi, que l'on cite également. Il dit l'imam Al-Qurtubi, « Qawlu ta'ala wa wajadaka baalan fahada » أي غافلا عما يراد بك من أمر النبوة فهداك أي أرشداك والضلال هنا بمعنى الغفلة كقوله جل ثناؤه لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يغفل وقال في حق نبيه وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال قوم بالا لم تكن تدري القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآن والشرائع الإسلام. طيب. Il nous rappelle ici deux paroles, l'imam al-Qurtubi. Il va reprendre une parole qu'on a citée auparavant, qui est en fait la parole de Ibn Kathir, que l'on a expliqué lorsqu'il nous a rappelé l'explication de ce verset par un autre verset du Coran, lorsqu'il a dit, ou lorsqu'il nous a cité ce verset, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Ça, c'est la deuxième explication qu'il va nous citer. Et c'est lorsqu'il dit lam takun tadri al-Qur'an wa al-Shara'i'a, c'est-à-dire que tu ne connaissais pas le Coran avant qu'il ne te soit révélé, et tu ne connaissais pas également les rites de l'islam. Quels vont être les rites de l'islam? Comment la prière exactement va se faire? Comment on va faire les ablutions? Tout ce qui va rentrer dans les adorations, tout cela, tu n'avais pas connaissance, sauf qu'après qu'Allah Azza wa Jal t'ait donné la science. Et la première qu'il va nous donner, la première explication. Donc ça revient à une deuxième interprétation. Lui, il voit en fait que le terme ad-dalal bimarna al-ghafla, ce qu'on appelle en fait l'inattention, ce que l'on traduit par l'inattention. C'est-à-dire que tu n'es pas attentif à quelque chose, et ça va rejoindre également le deuxième avis, lorsque tu n'es pas attentif à quelque chose, c'est-à-dire que tu n'as pas science de cette chose. Donc tu es fi ghaflatin min hadha al-amr, c'est-à-dire que tu es non attentif à cette chose, parce que tu n'as pas connaissance d'elle. Donc ça revient en fait à la même, si on traduit le terme ad-dalal huna bimarna al-rafla, bimarna l'inattention. Donc, on traduirait wa wajadaka dallan, il t'a trouvé inattentif, alors il t'a guidé. Et bien sûr, cette inattention est basée sur quoi? Sur la non-science. Et c'est pour ça qu'il va prendre comme verset un verset du Coran également. Où Allah Azza wa Jal yaqul, la yadillu rabbi wa la yansa. La yadillu rabbi wa la yansa. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif. Et Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Pourquoi? Parce que ce sont des sifat naqisa, ce sont des attributs qui contiennent imperfection. Donc Allah Azza wa Jal munazza' an dhalik, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est éloigné de ces choses-là, est éloigné de ces attributs qui comprennent l'imperfection. Subhanahu wa ta'ala jalla thana'u. C'est pour ça donc qu'Allah Azza dicte dans ce verset la yadillu rabbi wa la yansa, ton Seigneur n'est pas inattentif. Bimarna la yarfal, comme nous dit l'imam al-Qurtubi. Et il n'oublie pas Allah Azza wa Jal. Donc on voit ici le terme qui est employé, la yadillu. Et ce n'est pas marna, il s'égare. Ce n'est pas marna, il s'égare, mais bimarna, il est inattentif. Il n'est pas inattentif. Yani, la yadillu, il n'est pas inattentif. Et ce n'est pas le marna, il ne s'égare pas. Et également, lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jal dans le droit de son prophète, wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin, et tu étais avant cela, bien sûr avant cela, min qablihi, avant que te vienne la révélation, la min al-ghafilin, tu faisais partie de ceux qui sont inattentifs. Et donc cette inattention, c'est évident ici dans ce verset. Et il est clair que cette inattention provient tout simplement de la non-science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il y aura dans le Coran, de ce qu'Allah Azza wa Jal va lui révéler, etc. Ensuite, il nous rappelle donc la parole de Muhammad al-Amin al-Shanqiti, et qui va nous expliquer ce point-là et ce verset-là, wa wajadaka dallan fahada, à travers un autre verset du Coran qui fait surat al-Shu'ara, et qui est le verset 20, lorsque Moïse a parlé, ou lorsque Moïse a répondu à Pharaon et lui a dit, qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin, je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre de ceux qui ne savent pas. Pourquoi on traduit ici, non, mais ça dans le Coran, ils l'ont encore traduit par les égarés, du nombre des égarés. Et on va voir que ce terme-là, c'est en fait lorsque Moïse ne savait pas encore, c'est-à-dire avant la révélation. Il a fait cela avant la révélation. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ قَالَ مُوسَى مُجِيبًا لِفِرْعَوْنَ فَعَلْتُهَا إِذَا أي إِذْ فَعَلْتُهَا وَأَنَا فِي ذَلِكَ الْحِينِ مِنَ الضَّالِّينَ أي قَبْلَ أَنْ يُوحِيَ اللَّهُ إِلَيَّ وَيَبْعَثَنِي رَسُولًا وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ. C'est-à-dire donc ici, comme nous l'explique le Cheikh, lorsqu'il dit ça, Pharaon, il dit وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, c'est-à-dire avant que Allah Azzawajal me fasse révélation et qu'il m'envoie en tant que envoyé. Donc ici le terme Baalin, on le comprend de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la science de cela. Il n'avait pas la science de cela. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, bimarna minal jahilin, de ceux qui ignorent, minal jahilin, yani minal baalin, minal jahilin, de ceux qui ignorent. Et il nous dit, ay ghayru alim bima awha Allahu ilay, c'est-à-dire qu'il n'avait pas science de ce qu'Allah Azzawajal lui a révélé. Ensuite, c'est là qu'il va nous donner la signification du terme de manière plus exhaustive, du terme balal. Le terme balal, on entend beaucoup. Le terme balal, qui est beaucoup employé par le Coran. Il va nous dire ici que ce terme-là a trois significations dans la langue arabe, et également dans le Coran. Il nous dit al-ithlaq al-awwal, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour un sens bien précis. يقول يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن حقيقة الشيء فتقول العرب في كل من ذاب عن علم حقيقة الشيء ضل عنه وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما وليس من الضلال في الدين ومن هذا المعنى قوله هنا وأنا من الضالين يعني قول موسى. طيب, la première signification, c'est être loin et s'éloigner de la réalité d'une chose, de la science d'une chose, de la réalité d'une chose, de la science d'une chose, c'est-à-dire ne pas avoir science d'une chose, tout simplement. Être loin, s'éloigner, être loin de la réalité d'une chose, de connaître cette chose, ou de la science d'une chose, de la science d'une chose. Ça, c'est marna ad-dalal. Marna ad-dalal. Donc, c'est un terme qui va être plus proche ici de al-jahl, c'est-à-dire de l'ignorance, mais qui va être plus précis lorsqu'il nous dit, c'est-à-dire s'éloigner, être loin de la réalité d'une chose. Et c'est dans le sens, lorsque Moïse a dit قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ, c'est-à-dire أي من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي, c'est-à-dire donc qu'il ne pouvait savoir la vérité de ces sciences-là et de ces secrets qu'on ne peut connaître et avoir science que par, bien sûr, le biais de la révélation. Et exactement, c'est la parole qui va donc nous donner, ou il va nous donner l'exemple de cela par le verset qu'on est en train d'étudier et qui est wa wajadaka dallan fahada ay dhahiban amma 'allamaka min al-'ulum allati la tudrak illa bil-wahy, c'est-à-dire que tu étais loin de la réalité ou de la science de cette chose-là, et qui est en fait les sciences qu'Allah Azza wa Jalla va t'enseigner ensuite à travers le Coran, à travers le wahy de façon générale, c'est-à-dire à travers la révélation, tout ce que Allah Azza wa Jalla va te révéler. Elle va nous rappeler également dans ce sens la parole que nous avait citée Al-Qurtubi lorsqu'il nous avait expliqué le terme Al-Ghafla. Il dit wa min hadha al-ma'na qawluhu ta'ala qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitabin. Il dit 'ilmuha 'inda rabbi fi kitabin, c'est-à-dire sa science est auprès d'Allah Azza wa Jalla dans un livre. La yadhillu rabbi wa la yansa. Donc Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif, ou Allah Azza wa Jal n'est pas ignorant de cette chose-là, de cette science qui est dans ce livre. Wa la yansa, et Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Donc, comme on l'a expliqué auparavant. c'est-à-dire lorsqu'il nous dit le shirk, فقوله فقوله لا يضل ربي أي لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان, c'est-à-dire que rien ne s'éloigne de la science d'Allah Azza wa Jalla, absolument rien, quoi que ce soit. Et c'est également dans le sens qu'on va retrouver encore ce sens dans un autre verset du Coran, et qui est le verset fi surat al-Baqarah, qui est le verset 282, où Allah Azza wa Jalla يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فقولوا أن تضل إحداهما. Donc ce verset, et qui est un verset relatif au témoignage, faites en témoignage par deux témoins d'entre vos hommes, et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles oublie, et bien sûr ici ils l'ont traduit également par s'égare. Ils l'ont traduit ici dans le Coran, ou dans la traduction, par s'égare. Et on va voir ici que le sens ici, si elle oublie, c'est-à-dire si cette science-là s'éloigne d'elle, si l'une d'elles oublie, l'autre puisse lui rappeler. Bien sûr, ça c'est le cas du témoignage de la femme. Donc la femme, lorsqu'elle témoigne, il faudra donc deux témoins, c'est-à-dire deux femmes qui vont être l'équivalent au témoignage d'un seul homme. Donc c'est le sens évident du verset. Et donc on voit bien ici, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « An tadilla ihdahuma » que si l'une d'elles oublie ou devient inattentive, c'est-à-dire que si l'une d'elles, cette science qu'elle a par rapport à la personne qu'elle témoigne, s'éloigne d'elle. Taïb. Donc exactement ici c'est le même sens qu'on a et qui revient donc à la première signification, le premier sens. Donc voilà pour les versets que le shir nous a donnés. Et bien sûr lorsqu'il dit bidali li qawli ba'dahu fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, lorsqu'ensuite il a dit Allah Azza wa Jalla fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, l'autre puisse lui rappeler, afin que l'autre puisse lui rappeler. Donc si l'une oublie, donc on voit bien ici c'est en rapport avec la science, lorsque la science s'échappe de la personne. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit ensuite فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى, que l'autre femme puisse lui rappeler à celle qui a oublié. Donc c'est dans ce sens. C'est dans ce sens le terme dalal. Ensuite, le deuxième sens que va nous donner le shir, et c'est le sens qui est le plus connu par rapport aux gens. Le sens qui est le plus connu et qui est le deuxième, il nous dit وَإِطْلَاقَ الضَّلَالَ عَلَى الذَّهَابَ عَنْ طَرِيقَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ وعن طريق الحق إلى الباطل وعن طريق الجنة إلى النار ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc ici, lorsqu'on parle du abdalal dans ce sens-là, ou dans ce cas-là, on l'utilise comme sens qui est le suivant, c'est-à-dire s'éloigner de la voie de la foi pour aller vers celle de la mécréance. S'éloigner de la voie de la vérité pour aller vers celle du faux. Et s'éloigner de la voie du paradis pour aller vers celle du feu. Et c'est donc la même parole ou le même sens qui est voulu par Allah Azza wa Jalla dans surat al-Fatiha. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ » ضَالِينَ, donc ici ce sont les égarés. Et c'est dans ce sens, les égarés. Donc on voit bien la différence qu'il y a. Les mêmes termes sont employés. On regarde, dans le verset qu'on étudie « وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى » et ici « وَلَا الضَّالِينَ » le même sens qui est utilisé. Mais ici, Abdalal, ce n'est pas le même sens que Abdalal dans l'autre verset. Et ensuite, le troisième sens qui est donné, que le shir va nous donner, et qui est le suivant, يقول هو إطلاق الضلال على الغيبوبة تقول العرب ضل شيء إذا غاب, c'est-à-dire que le troisième sens qui est donné au terme Abdalal, c'est en fait le sens de l'absence et de l'anéantissement, de la disparition. Al-Ghaybouba, l'absence. Al-Ibmihlal, qui est la disparition, l'anéantissement. Donc, on utilise également ce terme-là pour dire, on utilise ce terme Dalal pour dire donc cela, le dépérissement, la disparition, l'absence. Et c'est pour ça que les Arabes, ils disent, Wali ajli hada, sammat, yani sammat al-Arab, ad-dafn fil-qabri id-dalalan. لأن المدفون تأكل الأرض فيغيب فيها طيب. Il nous dit en fait c'est pour ça que les Arabes ils citaient l'enterrement الدفن comme étant ou en appelant ce terme al-idlal, donc qui vient du terme dalal. Pourquoi? Parce que al-madfoun, celui qui est enterré, son corps, la terre le mange et ensuite donc il disparaît, ce corps disparaît, il ne reste bien sûr que les os, donc ce corps il disparaît Et c'est pour ça, donc, c'est dans ce sens qu'ils appelaient le fait d'enterrer quelqu'un à Dafn, ils l'appelaient idolalan, comme nous le dit le shir. Et un verset du Coran également est cité dans ce sens. Donc on voit que dans les trois catégories, dans les trois sens qui nous sont donnés du terme balal, ils sont présents dans le Coran. C'est pour ça qu'il avait dit le shir au départ. Ils sont présents yutlaq fil Coran ou fil lorat al arabiya. C'est-à-dire qu'on l'utilise dans le Coran et on l'utilise également dans la langue arabe. Et le verset qui nous dit, c'est le suivant. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ يَعْنُونَ إِذَا دُفِنُوا وَأَكَلَتْهُمَ الْأَرْضُ فَضَلُّوا فِيهَا أي غَابُوا فِيهَا. Donc il nous dit le shir dans ce verset, وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. Pourquoi ils ont dit ce terme-là, ضَلَلْنَا, ils ont utilisé ce terme-là, et pourquoi Allah Azza wa Jalla donc a pris ce terme-là, وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. Tout simplement parce que lorsqu'ils sont enterrés et que la terre les a mangés, فَضَلُّوا فِيهَا, c'est-à-dire donc, on revoit ici le terme balal, c'est-à-dire donc ils disparaîtront et ils seront anéantis dans ce sens-là. Donc on voit qu'également dans ce sens, Allah Azza wa Jal a utilisé dans ce verset ce terme-là, وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.